Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Danny Veilleux, le plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional. C'est que le journal Le Quotidien nous apprend ce matin que la nouvelle formation de Saint-Bruno va s'appeler le CHS Autocar Genois. Évidemment, c'est Autocar Genois qui est le principal commanditaire de l'équipe. Maintenant, on a appris également que du côté de ProNature Blackburn et Fils et Dimension Transport, ben, ces deux commerces vont également s'associer au CHS Autocar Genois. Le responsable Samuel Blackburn a mentionné au Journal Quotidien qu'il tente actuellement de recruter autant des bénévoles qui font partie du conseil d'administration que du personnel d'entraîneur. Il y a des approches qui ont été faites au cours de des derniers mois. Si les gens sont intéressés pour les abonnements de saison, ben, il en coûte 60$ pour les 10 rencontres locaux et il sera également possible de se procurer auprès du conseil d'administration et par la page Facebook. Et s'il y a des gens qui sont intéressés à s'impliquer auprès du CHS Autocar Genois, ben, vous pouvez contacter Samuel Blackburn au 418-719-2989. 418-719-2989 et Charles Bergeron au 418-321-2082. Maintenant, on va parler hier également qu'il y avait des matchs de soccer qui nous intéressaient dans les différentes ligues de soccer du secteur. D'abord, à noter hier que dans la catégorie 14, le Mistral a défait l'Union de Roberval 2-1. Également, victoire du Chinook 5-1 sur le FC Maniahakan. Et également, notons également que dans le U14 féminin, victoire de 1-0 du FC de Saint-Félicien contre l'Union de Roberval. Ligue de ballante de Roberval, il y avait des matchs qui nous intéressaient hier. Saint-Hubert 10, Piazzetto-Roussel 7, AEW a défait Megavac 15-10 et Zodiac a défait Garma 6-5. Maintenant, du côté de Dolbeau-Mistassini, il y avait des matchs également dans la ligue. Ça se passait lundi soir. Le Météor a défait le Métro 19-11 et Sport Expert a défait Saint-Hubert par le pointage. Le hockey, il y avait plusieurs matchs au programme hier. D'abord à Saint-Prime, les Boys ont défait les Young Guns 7-5 pour les Boys. Fait à noter 3 buts de passe pour William Langlais, 2 buts de passe pour Denis Otis et Gabriel Langlais a marqué un but. Pour les Young Guns, un doublé pour Simon Lepage. Maintenant, dans les autres matchs également, à l'affiche hier, victoire de 9-4 pour l'équipe des Kings contre les Vikings. Pour les Vikings, ça notait que Gabriel Amiotte a 2 buts, une passe. Joey Boily, 1 but, une passe. Mathieu Tremblay, 1 but, 2 passes. Pour l'équipe gagnante, Michael Boivin, 3 buts, 2 passes. Et Maxime Gay a également marqué dans le match. Également, victoire par forfait de la formation des Knights contre les Redmen 3-0. Je l'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on s'est entretenu d'abord avec Junot, le directeur général du club de golf de Saint-Prime. On parle évidemment du week-end golf qui a lieu en fin de semaine au club de golf Domaine Lac-Saint-Jean. Également, je me suis entretenu avec Pascal Masson où on parle évidemment du congédiement de Kavis Reid qui fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Et aussi, vous pouvez écouter dans la section entrevue de danradiosport.com une entrevue avec l'actuel président des Sables de Roberval, Guy Larouche. On a beaucoup de mal à trouver des gens à Roberval pour s'impliquer et assurer la pérennité des Sabres de Roberval. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.